Join me on RIG. RIG. Oh, la marche, c'est vachement plus lourd de Next Move. C'est clair. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 336. Pour votre info, la 337 est déjà dans les bacs, elle est prête pour la semaine prochaine. Qui sera l'album de la semaine? Eh bien, vous le verrez d'ici lundi, mardi, quelque chose comme ça. Bien, l'album de la semaine, en tout cas de la numéro 336, aujourd'hui le 10 mai 2017, c'est Liverpool 8, sorti par Ringo Starr en 2008, album de Ringo Starr. On écoutera la chanson éponyme, Liverpool 8. Il y aura également Think About You, Love Is, Give It A Try, Harry's Song, un hommage à son copain, à Harry Nilsson, et le fameux titre que vous aimez beaucoup et que j'aime beaucoup également, forcément, Are You Ready, en fin d'émission, en numéro 26. Mais il y aura du George Harrison, du Lennon, du McCartney et des Beatles. Pour George Harrison, je vais durer le suspense, pour George Harrison, ce sera Give Me Love, Give Me Peace on Earth sur Living in a Material World en 1973. Pour John Lennon, ce sera Number 9 Dream sur Walls and Bridges en 1974. Quant à Paul McCartney, il nous parlera à l'époque, en 1973, du futur de 1985. Pour les Beatles, ce sera 1 après 909. Ça devrait faire 910, quoi. Ce sera sur l'anthologie Highlights que vous découvrirez ce titre si vous ne l'avez jamais entendu, mais vous l'avez déjà entendu dans la saga des Fab Four. Voilà. Pour le reste, vous nous rejoignez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four ou sur macaclub.com dans l'espace La Saga des Fab Four ou également sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. S-A-G-A-F-A-B-F-O-U-R. C'est facile. C'est comme ça se prononce, ou presque. Enfin, un tout petit peu d'anglais. Voilà. Je sens que le générique est en train de se terminer, donc nous allons laisser la place au meilleur batteur de tous les temps, au meilleur batteur Beatles de tous les temps, Ringo Starr. Et qui ne lâche pas la rampe, il fait encore de bons albums. En 2008, c'était l'album Liverpool 8, et voici le titre, Liverpool 8. I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you, said goodbye to Madrid Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. I never let you down. Went to Hamburg, the red lights were on, with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked up. But we had enough. Liverpool, I left you, said goodbye to Madrid Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was

que j'aime cette chanson, Give Me Love, Give Me Peace on Earth, George Harrison, à l'instant, c'était en 1973, mais c'est toujours valable, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Maintenant, Monsieur John Lennon sur RG, Number 9 Dream, il adorait le chiffre 9.

commentaires partagés par tous, d'ailleurs, de Jacqueline au sujet de cette chanson-là, sur Facebook. J'ai toujours aimé 1985, et quand je l'ai entendu en live, le top absolu. Oh oui, quel pied d'entendre 1985 par Paul McCartney en live. C'est une chanson parfaite pour la scène. Voilà, nous avons écouté Ringo Starr, George Harrison, John Lennon et Paul McCartney. Ensemble, ça forme les Beatles. Puisque ça forme les Beatles, nous allons parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est celle qui tient le Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, sur les tournées de Paul, les tournées de Ringo, les albums qui vont sortir là, le 26 mars, l'album Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, les 50 ans de cet album-là, vous saurez tout en allant sur BeatlesMagazineUK.com. Il y a également des infos sur les amis de Paul, John, Ringo et George. Et il en manque un. Paul, John, Ringo, George. Paul, John, Ringo, George. Eh non, il y a les quatre. Et si vous voulez également avoir des infos sur les animateurs qui font des émissions radio, eh bien vous allez sur BeatlesMagazineUK.com 7 jours par semaine, tous les jours, tout le temps, toutes les heures, quand vous voulez. Vous saurez tout. Il y a des millions de visiteurs. Merci Beatles Magazine, merci Lovely Rita. C'est la saga et voici les Beatles avec ce titre. 1 après 909. C'est la saga. C'est la saga. C'est la saga. Les Parfums. The Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. After 909 est peut-être la plus ancienne chanson de Lennon et McCartney qui a été enregistrée. Elle date a priori de 1957, peu après la rencontre de Paul et John. C'est l'une des plus de 100 chansons que les deux Beatles disaient avoir composées avant Love Me Do. Elle remonte à l'époque de Fourth Lane Road. Les Beatles enregistrèrent One After 909 pour la première fois en mars 63, durant la même séance que From Me To You. Mais George Martin jugea le résultat si peu convaincant que la bande ne refit jamais surface. L'idée de John était de composer une histoire de train à l'américaine, en s'inspirant de succès skiffle comme Last Train to San Fernando par Johnny Duncan, Cumberland Gap et Rock Island Line par Lonnie Donegan, ou Freight Train par le Chas McDavid Skiffle Group, David Skiffle Group, j'ai toujours du mal à prononcer ces noms-là. Nous avions l'habitude de sécher les cours et de retourner chez moi pour composer, raconte Paul. Il y a beaucoup de chansons de cette époque que nous n'avons jamais utilisées parce que ce sont des chansons très simples. Nous détestions les paroles de One After 909. Eh bien, pas nous, Paul. On aime bien toutes les chansons Beatles à une virgule près. Ça, c'est l'album de la semaine, Liverpool 8 et Think About You, Ringo Starr sur RG. When I'm walking down the street and I feel it start to rain, I don't run for cover, I look up again and it's blue. I just have to think about you. When the road is getting rocky or the sea is getting rough, no matter what the trouble, it isn't very tough to get through. I just have to think about you. the reason why. The reason why my mother was of the sky, my father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. I'm lonely, gonna die if I ain't dead already. Girl, you know the reason why. L'album blanc et cette chanson Your Blues, c'était la chanson la plus désespérée que John ait écrite. C'était un appel à l'aide angoissé adressé à Yoko Ono. Il savait que ça avait arrivé à un tournant décisif. Il était peu probable que les Beatles, nous sommes en 68, remontent sur scène un jour. Son manager était mort et il envisageait de rompre son mariage. Il se sentait des obligations envers Cynthia, mais il savait qu'il avait trouvé en Yoko l'âme sœur, tant au plan artistique qu'intellectuel. Elle était, admit-il plus tard, la femme qu'il avait toujours rêvé de rencontrer, la femme à laquelle il pensait en composant Girl. Durant leur séjour à Rishikesh, John et Cynthia furent souvent séparés parce que leurs habitudes de méditation étaient différentes. Et ce ne fut que durant le vol du retour que John lui parla pour la première fois des infidélités qu'il avait commises durant leurs 6 années de mariage. Cynthia fut choquée. Je n'aurais jamais imaginé, elle était un petit peu naïve, je n'aurais jamais imaginé qu'il m'ait été infidèle durant notre mariage. Il ne m'en avait jamais rien dit. Je savais, bien évidemment, que les tournées lui faisaient faire le tour du monde et qu'il lui était offert tout ce dont un homme pouvait rêver. Une situation à laquelle personne ne pouvait résister. Mais même sachant cela, je ne voulais ni ne pouvais accepter l'inévitable. Et je n'avais jamais eu de preuves ni même d'indices. John admit plus tard que ce dilemme l'avait rendu suicidaire. Dans cette chanson, il se compare en plaisantant à Mr. Jones, le personnage stupide de la chanson de Dylan, Ballad of the Thin Man. Musicalement, Your Blues annonce les orientations que John prendrait plus tard dans sa carrière solo. Voilà ce qu'on peut vous dire au sujet de cette chanson, qui est aussi une chanson d'amour. Et je vais vous proposer l'une des plus belles chansons d'amour de l'univers. C'est en 1979, c'est George Harrison et c'est Your Love is Forever. Dans un instant sur RIG. On my plate, don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late, searching for the time that has gone so fast, the time that I thought would last. my ever-present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. I hope there's something to find. Searching through the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. Too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has come so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. Une des très rares chansons dans laquelle on ne voit pas Paul McCartney avec un instrument, et pire que ça, dans laquelle Paul danse. Et là, Paul qui danse, eh bien, il se débrouille bien. Bon, c'est des gestes assez simples, d'ailleurs qu'on le voit faire régulièrement sur scène, certains gestes, donc ça doit être pris simplement de l'observation de ce qu'il fait quelquefois, mais c'est bien, les danseuses sont plutôt sympathiques, et l'idée du clip est plutôt sympa, parce que il y a plein de Paul McCartney dans ce clip-là. J'aime beaucoup Ever Present Past. En 2008... C'est sur l'album, bien sûr, Memory Almost Full, et c'est pas en 2008, c'est en 2007, hein, c'est ça? Non, c'est, oui, c'est en 2007, c'est ça. Oh, la mémoire quand même, quand on est fatigué. Et retour à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Liverpool 8, et ce titre, Love Is, toujours de l'amour sur RIG. Everybody's here, but never for too long. The door of willingness will one day open for everyone. Time will always heal what the broken-hearted feel. The poets say it's so, but I'm not sure it's real. I only know the answer is inside me and everyone. Love is here. Everywhere it's gone. stand. A spirit guides my hand, and that is how I know that there's a bigger plan. This world is not for you and me alone, it's for everyone. Love will come on strong. You have to look inside to see where you've come from. I only wish for nothing less than everything. La saga des Fab Four est diffusée sur RIG 90.7, la radio des Beatles, également sur www.rigfm.fr. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, sur macaclub.com, dans l'espace La Saga des Fab Four, ou sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. Merci à tous, et maintenant, un petit peu de douceur, de gentillesse, de dessin animé. C'est Paul McCartney, bien évidemment, sur RIG. Welcome to our island, glad you came to call. Now you've made yourself at home, you're welcome to us all. We are simple people, why are we this way? This is what we always say. It's the way that we bang on the bongo, it's the way that we bang on the big bass drum, the way that we sing in a song, oh, it's a tropic island hum. Playing in the sunshine, lots of sea and sand. It's jolly nice in paradise. Lordy, ain't life grand? Everyone is happy, joining in the fun. It's the way that we shake and we shake on. It's the way that we bang the big bass drum. The way that we bake and the cake on makes the tropic island hum. It's the way that we bongo the bongo. It's the way that we bang the big bass drum. The way that we sing a song makes the tropic island hum. Special night. Alright, alright, alright. Anything can happen. In the meantime, won't you come help us celebrate?

pense soudain à quelque chose alors que ça fait des années que je devrais être au courant. J'ai des bouquins sur les Beatles, j'ai des bouquins sur Paul McCartney, un sur George Harrison, un sur John Lennon, mais rien sur Ringo Starr. Ce serait bien, les gars, que vous nous fassiez un bouquin en français, s'il vous plaît, c'est plus facile pour moi, quand je suis en direct à l'antenne. Un bouquin sur Ringo Starr avec les chansons, les ceci, les cela, les événements marquants. Hein, s'il vous plaît. Merci. Et voici l'album de la semaine, Liverpool 8, et un nouveau titre, Give It A Try, sur RG. Ringo Starr. Everybody has a dream that they hold on to, but what can they do to make it come true? Everybody has a whole lot of life to live, but you gotta sit back. Oh, you gotta relax. You've got to love every breath you breathe. Look at the sky. Looking over your shoulder, it's time to take a look at yourself. Don't be left on the shelf. In the end you will surrender, and then you'll be fine like everyone else. You'll be finding yourself. À l'instant sur RIG dans cet album Liverpool 8 sorti en 2008. Oui, vous avez bien deviné. Il est temps d'arriver à la cover puisqu'il est 21h11 en France sur RIG et que lorsque nous arrivons à la cover, c'est la reprise d'une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George ou par les Beatles. Ou cette chanson-là, eh bien, c'est une chanson que un artiste connu reprend ou que vous peut-être pouvez reprendre, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, vous pouvez être un artiste connu que je connais. C'est pas impossible, ça aussi. Ou alors, même si les Beatles reprennent eux-mêmes une chanson d'un de leurs pères, comme Little Richards ou d'autres, par exemple. Eh bien, la personne qui s'y frotte, il y a une partie du sang de Paul McCartney dedans. Il y a les Cure avec James McCartney et c'est Hello, Goodbye et sur l'album The Art of McCartney qui était sorti en 2014. Yes, I say no. You say stop, and I say go, go, go. Oh no. You say goodbye, and I say hello. Saga des Fab Four tous les mercredis de 20h à 22h sur rjfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. Non. Incarné en 2005 sur l'album Chaos and Creation in the Backyard avec ce titre Too Much Rain. Revenons des années et des années et des années en arrière avec cette version qui en principe aurait dû rester dans les placards, mais avec les Beatles, George Martin avait fini par dire on ne jette rien, on ne sait jamais. C'est ressorti avec les anthologies des Beatles. C'est ressorti sur le single d'ailleurs Free as a Bird en 1995. Voici This Boy, mais dans une version bien spéciale. You're right. Get this bloody little mic out of the way. Don't be nervous, John. I'm not. Don't be nervous. That boy took my love away. He'll regret it someday. This boy wants you back again.

1971 et l'album Imagine, cette chanson It's So Hard, John Lennon sur RIG. En 1995, les trois Beatles restants à l'époque se réunissent pour compléter une maquette qu'avait fait John Lennon et à l'occasion de la sortie des anthologies forcément. Voici le frisson de l'année 1995 lorsqu'on a entendu la voix de Paul McCartney se plaquer sous la voix de John Lennon en harmonie. Free as a Bird sur RIG. D'émission et à chaque fois qu'on arrive à 20 minutes d'émission, eh bien, on accélère, plus d'arrêts, plus d'anecdotes, les chansons les unes après les autres. Tired of Midnight Blue, c'est sur l'album Extra Texture, Read All About It, George Harrison en 75 sur RIG. the sun came up on you, and as you smile, the teardrop it dried. Don't know where I had been, but I know what I had seen. Made me chill right to the bone, made me wish that I'd stayed home along with you. Tired of midnight blue. suite, The Fireman, Sun is Shining, alias Paul McCartney, bien sûr, Electric Argument, sur RG, forcément. Facebook dit que cette chanson ressemble sur le même album à Sing the Changes. Sauf que Sing the Changes c'est wow, wow, wow, et là c'est nanananana. Oh, c'est pas pareil alors. Allez, une dernière fois à l'album de la semaine, Ringo Starr, Liverpool 8. Et ce titre que j'adore vraiment, Are You Ready sur RG.

ainsi que s'achève cette émission de la saga des Fab Four. Je vous laisse entre de très bonnes mains, je sais que ça va être passionnant. Merci à vous toutes, merci à vous tous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. La saga, la prochaine saga, l'album de la semaine, ce sera un Paul McCartney, je crois. Il est déjà pris. À très bientôt, salut, ciao.